Par contre, certaines pièces, étant donné qu'on a accueilli des nouvelles, certaines nous ont quittés. Oh, ouais. Un peu more rest in peace. Mm-hmm. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Tu fus une illusion dans ma bathysphère, déformant ma réalité, étouffant mon atmosphère. Tu fus illusoire dans ce bathyscaphe de maison. Je t'oublie sûrement, montant à la surface. Plongeons par plongeons. Fils étrange qui démange, qui te tourne autour. Fils étrange qui dérange comme on peut. Des extraits des pièces qui ont quitté les palmarès fous pour la semaine du 10 au 16 mars 2014. Il y en a eu pas mal, donc on a commencé avec Scaphandre de David et les Bois qui a duré 9 semaines, ensuite Vice étrange d'Ariel qui a duré aussi 9 semaines, Statue Park et 1983 avec 8 semaines, Sexy Mathematics avec The New Illusion, eux qui sont de retour mais qui ont duré 7 semaines avec cette pièce-là, et The Wire de Haim qui a aussi duré 7 semaines. Haim est aussi de retour dans les palmarès. Voilà. Voilà. Voilà, je t'ai pas laissé grand place pour grand mot dans ces phrases-là. Oh, bon, t'as bien fait ça. Bon, merci quand même.